Le visu, le viso. Et la plaine du pot. Je gravis près des plis du grand paradis. Parti bien avant l'aube, traverser les torrents dans les pentes émeraudes, il y a comme un aimant les ondes passagères sur un plan de bruyère. À l'est, quelques éclairs sur la crête frontière. Puis le vent se lève, la pluie se change en neige, et les neiges éternelles se couvrent de fraîche. Quand soudain derrière moi, venu de tout en bas, au-dessus du Keira, il y a la Nébia, il y a la Nébia, il y a la Nébia, il y a la Nébia qui du pied monte et monte jusque là. C'est la sagesse, place au pas sur la neige, la caresse de l'éther et l'étreinte des pierres. Où sont passés les cœurs sur la rête fêtière? À 3000, aux briques froides, il y a la Nébia. Il y a la Nébia. Il y a la Nébia. Il y a la Nébia qui du pied monte et monte jusque là. Il y a la Nébia. Il y a la Nébia, il y a la Nébia qui du pied monte et monte jusque là. Il y a la Nébia. Il y a la Nébia.